Ça tombe, ça s'affole, ça chute, ça panique. Ça retombe dans le miroir des histoires de 29. Oh, de reflet si pâle qui bégaye, qui bégaye. Oh, de reflet si pâle qui bégaye. Il y a des choses qui ne changent pas. Attention, feu au monde, K40 et Don John. C'est les courbons à l'enfer, comme les pommes de Newton. De Paris à Delhi, en passant par Rio, de Dakar à Tokyo, et les bombes de Bagdad. Il y a des choses qui ne changent pas. On s'excite à la City, 1 milliard au moins, de l'ivoire à l'argent, de l'or au pétrole, du noir des mains blanches, blanchissent l'avenir. Il y a des choses qui ne changent pas. Il y a des choses qui ne changent pas. Je préfère vous parler des peuples de la terre que la famine achève. Dans cheveux en bataille, une balle s'y repose. Un enfant sur le sol, une mère crevasse à 30 ans. Vagant vers promesses, aventurier sans pays, affrontant mers et sels, vers ce rêve de l'Europe. Il y a des choses qui ne changent pas. Dans une vieille barque plus vieille que l'histoire, ils sont là entre les flots, au large de la Corse, vers ce rêve de l'Europe. Grands mots, belles idées, on voit les feux de Marseille. Bienvenue en France, on voit les feux de Marseille. Bienvenue en France, il y a des choses qui ne changent pas. Les attendent à bras ouverts, des avions se retournent. Voilà leur rêve Europe, voilà leur rêve Europe. On leur dit que nous aussi avons la misère. On leur dit que nous aussi avons nos morts. On leur dit que nous aussi avons nos guerres. On leur dit que nous aussi avons nos larmes. Au contraire de cette femme qui ne verra pas 30 ans, nous avons 80 ans pour y réfléchir. Au contraire de cette femme qui ne verra pas 30 ans, nous avons 80 ans pour y réfléchir. Au contraire de cette femme qui ne verra pas 30 ans, nous avons 80 ans pour y réfléchir.